Le porte-parole de l'Association des victimes coréennes de la réquisition forcée et de leurs familles a publié le 26 une communication contre la visite collective des mercenaires japonais au temple Yasukuni. En voici le résumé. Ces derniers jours, les personnalités de droite du Japon, du Parti libéral démocrate, du Parti populaire progressiste et de la Société de rénovation, relevant du rassemblement des parlementaires qui honorent tous le temple Yasukuni, notamment le ministre des Affaires générales d'Akaichi, ont de nouveau visité collectivement le temple Yasukuni, en sachant bien que cela déclenchera une puissante protestation des pays asiatiques. C'est le signe de la manie militariste des hommes politiques mercenaires japonais qui veulent à tout prix réaliser l'ambition expansionniste envers la Corée, tout en embellissant les meurtriers condamnés sérieusement par l'histoire. C'est également un défi frontal contre la justice, la paix et les droits de l'homme et un crime inhumain scélérat insultant les victimes du passé. Les mercenaires japonais qui justifient les crimes du passé et s'opposent au courant de l'époque ne pourront pas éviter la ruine pitoyable.